Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, de retour au micro, M. Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler de jeux en compagnie de mon acolyte de toujours, M. Andrew Castegan à la console. Salut Andrew! Bonjour M. Michaud. Ça va bien? Oui, très bien. Et là, on a une grosse émission cette semaine, puis on a une grosse fin de semaine qui s'en vient, mesdames et messieurs, parce qu'on s'en va couvrir GNIME à Gatineau en fin de semaine, trois jours, parce qu'il faut se rendre là-bas. Là. Donc, trois jours de plaisir, de pas de dormir beaucoup. Et de rencontrer du monde formidable. On va vous en parler d'ailleurs. Et de la bière. Bien évidemment, parce qu'il faut festoyer dans ce genre d'événement-là. Mais on va vous en parler un peu plus tard lors de l'émission. En fait, on va vous parler de ce qu'on s'en va faire à GNIME. Puis on va vous parler de nos attentes. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on y va, mon Piendrou. Avant, on participait, on donnait des ateliers. Après, on est arrivé comme les gars de Puissance Maximale en tant que média. Donc, on est rendu exigeant là, auprès des gens de GNIME. À chaque année, on n'est jamais déçu. Mais cette année, évidemment, on aura aussi nos petites exigences. On va vous en parler un peu plus tard dans l'émission. On va surtout entendre aussi M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique, qui va nous faire un petit retour sur la nouvelle qui est sortie la semaine passée du Black Phone, ce fameux téléphone intelligent qui serait à l'épreuve de la NSA et de leur espionnage des télécommunications. Mais Pierre-Luc va nous en parler lors de sa chronique. On va vous parler évidemment, en fait, Andrew va vous parler d'un jeu. Quel est-il ce jeu, Andrew? Paper Please, pour faire une continuation de la chronique de Diego. Oui. Qui l'avait suggéré pour le temps des fêtes. Ouais, c'est vrai ça. Avant notre retour des fêtes, pendant son top 3 des meilleurs jeux, en fait, je pense qu'il y avait plus que 3, mais bref, de son top des meilleurs jeux de l'année, de Diego, il avait parlé de ce jeu-là, puis on va en parler de plus en profondeur lors de l'émission, et bien évidemment, on va parler de nouvelles ludiques un peu plus tard. Mais avant toute chose, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. On vous invite à vous y rendre tantôt, là, à 9h, là. Tout de suite, allez écouter plein d'anciennes émissions. C'est une bonne suggestion, ça. Oui. Puis en plus, profitez-en pour passer sur Facebook. Allez aimer la page de Puissance Maximale. Maximoule. C'est ce que ça fait qu'on parle vite. De force optimale. Et voilà. Vous allez sur Facebook, vous tapez Puissance Maximale en haut. Vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais aussi, grâce à ça, vous allez avoir plein de nouvelles sur l'émission avant tout le monde. Et vous aurez la chance, après ça, de partager cette page-là à tous vos amis geeks et non-geeks. Même à ceux qui veulent découvrir les univers ludiques, entre autres. Une très bonne suggestion de page Facebook. Et comme à notre habitude, M. Castegan, on va commencer en musique. Et on va y aller avec une... Écoute, on s'en va à GNIME. On va parler avec des doubleurs. On va parler, entre autres, avec M. Thierry Bourdon, qui a fait plein de voix de dessins animés de notre jeunesse. Mais on n'ira pas avec une chanson qui est reliée à un de ces animés-là. On va rester dans le rétro. On va y aller avec le petit castor, mais version d'un groupe malheureusement défunt du Québec, le groupe Yellow Molo. Donc vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez! Le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue, il rit. Une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plus au quotidien. C'est l'histoire du petit castor. Fois vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, il faut que tu écoutes la chronique Sécurité informatique. Et oui, il est temps d'une nouvelle chronique Sécurité informatique avec M. Pierre-Luc Pelletier. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien. Et toi, Mac? Numéro 1. Et là, on va faire un retour rapide sur ton top que tu avais fait en fin d'année sur tes prédictions 2014. Rapidement, pour faire une entrée en matière vers autre chose, quelque chose qui nous est tombé, qui est tombé sur Internet la semaine passée. C'est une nouvelle qui est sortie le 16 janvier. Puis ça revient, en fait, sur un point, le point 6, là, pour être précis, de mon top 8, qui parle de la sécurisation de l'Internet des objets. Donc, le 16 janvier, donc, il y a eu, en fait, parution d'une découverte, en fait, d'une attaque sur des les fameux objets intelligents, là, ou l'Internet des objets. Donc, on parle, en fait, ils ont découvert qu'avaient été compromis des télévisions, des routeurs, des boîtiers multimédia, puis, ben, tiens-toi bien, au moins un réfrigérateur. Donc, un réfrigérateur qui, donc, avait été compromis et qui envoyait du spam. Donc, il envoyait du spam. Dans le cadre de frigo, j'avoue que... Ouais, c'est vraiment solide. on est moins attentif au niveau de nos frigos pour les surveiller pour le spam. C'est clair. C'est clair. Puis, ben c'est ça, en fait, c'est intelligent, en fait, comme approche, parce que le fait que ce soit du mail, en fait, qui soit envoyé, le mail, ça prend pas énormément de puissance de calcul. Donc, même une petite machine qui sert à pas grand-chose, genre, justement, gérer un réfrigérateur. Bon, les fonctions exactes du réfrigérateur sont pas vraiment connues, là. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, gestion du stock, par exemple. Ben, c'est ça demande... En fait, c'est très possible d'envoyer des mails puisque c'est très léger en termes de puissance de calcul. Donc, ça faisait partie, donc c'était plein de boîtiers comme ça qui faisaient partie d'un botnet d'à peu près 100 000 machines zombies. C'est ça, le botnet étant ce groupe de machines qui sont gérables à distance pour à des fins pas très nettes, là. Donc, dans ces 100 000 machines, il y aurait environ 25% qui seraient pas des ordinateurs normaux. Donc, on parle d'un laptop ou un ordinateur normal de bureau ou un serveur. Donc, il y aurait le quart, donc 25 000 de ces zombies-là qui seraient autre chose. Donc, ouais, c'est ça. Bon, on parle de routeurs. Bon, ça fait pas vraiment partie de l'Internet des objets. Des routeurs, ils ont toujours été là depuis qu'Internet existe. Mais clairement, la télévision, puis le frigo, là, c'est évident. On parle vraiment de l'Internet des objets. Là, on y arrive. Donc, dans le 25%, on ne sait pas exactement combien de machines sont vraiment de l'Internet des objets. Ou si c'est juste des routeurs ou d'autres types de machines. Mais clairement, en fait, on y arrive. Là. On voit que le nombre, quoique qui est pas énorme, en fait, ben, qu'on le connaît pas, en fait, c'est surtout ça. Ben, on sait déjà bon que ça commence. Déjà, on a des preuves que ça commence. Donc, c'était juste une petite parenthèse, en fait, sur ce petit point-là, sur l'émission, la dernière émission de l'année 2013. Donc, il faudra être de plus en plus attentif au niveau sécurité, y compris pour nos téléviseurs et nos frigos. Ouais, patchez vos frigos. Voilà. En fait, quand c'est possible, parce que justement, le problème avec l'Internet des objets, c'est que souvent, les vulnérabilités sont hardware, et à part changer ton frigo, il n'y a pas vraiment moyen. Ou ne pas le brancher à Internet, tout simplement. Ouais, c'est clair. Ça, voilà. C'est la méthode forte. Et voilà. Et là, on va, ça va nous amener justement à d'autres, à un autre sujet, le Black Phone. Un truc qu'on a entendu parler la semaine passée. Là, on parlait justement de la sécurité de nos informations. Ben, le Black Phone s'offre comme une nouvelle solution au niveau de la téléphonie cellulaire. Ouais, c'est un peu le graal de ce que tout le monde essaie d'avoir, le téléphone le plus sécurisé, tout ça. Ben, j'avais fait justement une capsule exclusivement là-dessus sur la sécurisation des téléphones, puis la sécurité des téléphones intelligents. Puis, ben, c'est ça, eux, ils arrivent avec un beau produit, c'est bien présenté et tout, ça a l'air de bien, je veux dire, il y a vraiment des belles fonctionnalités intéressantes. Donc le but de ce téléphone-là, donc le Black Phone, c'est de bien sûr sécuriser en fait les appels téléphoniques, les SMS, donc le message texte, et puis le trafic vers Internet. Donc c'est les trois points principaux en tout cas sur lesquels ils ont communiqué là. Donc la sécurité de ce téléphone. Donc ça tourne en fait sur un OS qui s'appelle Private OS. Donc c'est un Android modifié tout simplement. Okay. Modifié. On sait qu'Android en fait est open source, donc c'est possible pour eux d'accéder au code et puis de le sécuriser davantage, d'ajouter des fonctionnalités de sécurisation, de chiffrement, des choses comme ça. Ce téléphone-là, comment il ferait théoriquement, puisqu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations sur comment il va faire. Comment il va faire pour sécuriser ces informations-là, finalement? C'est ça, parce que sécuriser les téléphones, si tu es tout seul à avoir ton BlackBerry dans le monde, tu appelles un téléphone normal, ben, c'est très difficile de sécuriser. Okay. Donc, on parle clairement de sécurisation des communications entre Black Phone. Donc, même chose pour les SMS. Puis après, pour ce qui est du trafic Internet, il passerait par un VPN. Donc, un VPN, en gros, ce serait un tunnel. C'est un tunnel, en fait, c'est souvent utilisé, c'est une technologie très répandue, en fait, en entreprise. Par exemple, j'utilise ça, moi, pour me brancher au travail quand je suis ailleurs qu'au travail, en fait. Je me branche sur le réseau. C'est ouais. Ça, connexion à distance sur le réseau au travail, par exemple. C'est ça. Puis c'est sécurisé, bien sûr, donc chiffré. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un tunnel. Donc, c'est-à-dire que ça rentre dans le tunnel, en guillemets, donc sur mon laptop, qui, ça chiffre toute l'information qui va jusqu'à au point de sortie, donc qui est carrément à l'autre bout, donc dans l'entreprise. Et donc, ce point de sortie déchiffre l'information et l'envoie comme n'importe quel autre paquet dans le réseau interne. Donc, c'est comme si j'étais un peu dans le réseau interne. Okay. Donc, le but étant de chiffrer tout ce qui se passe comme communication avec l'entreprise. Donc, c'est exactement le même principe. On a un tunnel vers eux, donc vers les infrastructures là, de Black Phone. Et c'est eux ensuite qui vont envoyer les paquets sur Internet. Mais là, en faisant cette opération supplémentaire-là, on ne va pas se trouver à ralentir notre connexion? C'est sûr que ça va ralentir un peu. C'est sûr que, je disais, la sécurisation, c'est toujours, ou la sécurité en général, c'est toujours un choix entre le facile, simple, rapide et... toujours une étape de plus, finalement. Là. C'est ça. Ça reste un saut de plus pour rien. On passe par les équipements de chez Black Phone. Donc, c'est certain qu'il y a un désavantage qui est la vitesse. Ouais. Excellent. Ouais. Et là, on a, tu nous disais tantôt, le Black Phone sort, nous offre quand même des possibilités intéressantes. Mais là, c'est qui fabrique ça, ce téléphone-là? C'est pas Samsung, c'est pas surtout pas Apple. Qui se propose pour nous offrir ce Saint Graal de la téléphonie? Ben en fait c'est deux compagnies en fait qui se sont entendues pour faire une co-entreprise là donc c'est Silent Circle et Geeks Phone. Donc Silent Circle c'est une compagnie qui est déjà connue dans le monde de la sécurité un peu puisque elle proposait déjà des applications de sécurisation des téléphones justement et des SMS. Donc, c'était à ce moment-là au niveau application, en fait, Android ou Apple ou iPhone. Donc, ils voulaient donc sécuriser les communications entre les gens qui sont abonnés à ces services-là. Je dis abonnés parce que c'est loin d'être gratuit, là. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas. Je trouve que c'est un peu limitant tout ça. Justement, là, tu nous as dit tantôt là, qu'il y avait quand même des limitations au niveau de la sécurisation. Mais ça veut dire que si moi j'appelle à des gens qui n'ont pas ces services-là, ben ça me sert absolument à rien. Exact. Ben, c'est parce que quand on parle de chiffrement de communication, ben on parle d'un bout à l'autre. On doit chiffrer d'un côté puis déchiffrer de l'autre. Donc il faut un bout de code qui chiffre d'un côté, puis un bout de code qui déchiffre. Sur l'autre téléphone, le téléphone qu'on appelle nous. Donc, c'est sûr que il y a des limitations à ça. Il faut vraiment avoir des standards sur ce type de chiffrement, par exemple de la voix ou de communication téléphonique. Ça n'existe pas encore ou ça commence à peine. Donc c'est ça en fait, puis pour le moment en fait c'est propriétaire et ça coûte super cher comme je disais, on parle d'environ 99,95 US par année pour faire donc des communications téléphone avec d'un abonné à l'autre, puis sinon on parle 250 dollars US par an pour pouvoir communiquer avec n'importe quel autre numéro de téléphone. Quand on dit communiquer, c'est pas nécessairement communiquer de manière sécuritaire, hein, je le rappelle. On peut pas, je veux dire, la personne, si on veut qu'elle entende ce qu'on dit à l'autre bout, ben, si elle n'a pas le système pour déchiffrer, ben, clairement, on peut pas chiffrer de notre côté. Ce serait impossible pour elle, pour l'autre personne de comprendre ce qu'on dit. C'est que là, on a ce fournisseur de services qui veut, s'associer pour amener ce type de téléphone-là. Disons que ça peut faire peur au niveau du prix. Est-ce qu'il y a un prix qui a été amené pour le Black Phone? Non, c'est tout le problème aussi. C'est certain que ça va freiner quelques personnes, je pense, quand on va commencer à parler de prix. Clairement, en fait, les fonctionnalités sont pas très bien expliquées, comme je disais, on comprend pas encore le comment. Il y a des fonctionnalités qui clairement, en tout cas, c'est tellement pas clair qu'on a de la difficulté à le croire, en fait, comment ça va à quoi ça va ressembler dans la vraie vie, là. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment appuyé par aussi quelques bonnes, des personnes assez connues dans le monde de la sécurité informatique. Il y a Phil Zimmerman, en fait, qui est cofondateur de Silent Circle, donc qui, lui, a écrit le fameux PGP, donc Pretty Good Privacy, c'est le nom du modèle ou du programme de chiffrement, déchiffrement. C'est très utilisé dans le cadre de l'email encore aujourd'hui. C'est vraiment bien fait, ça avait été mis en open source, donc ce qui fait qu'il est relativement répandu aujourd'hui. Et donc c'est ça, je veux dire, cette personne-là donne beaucoup de sérieux à une initiative qui, sinon, en tout cas a priori, semble en avoir plus ou moins, là. Mais en tout cas, ça va être intéressant de regarder comment ça se passe, surtout que donc l'autre associé, si on veut, l'autre société associée qui s'appelle Geeks Phone, une toute petite start-up qui crée des téléphones et donc qui est espagnole. Okay. Donc, ils créent des téléphones qui tournent sur Android ou Firefox OS, qui est vraiment pas connu, là. C'est l'OS fait donc par Firefox puis les gens de Mozilla. Entre les fonctionnalités qu'ils nous donnent et ce qu'il y a dans la vraie vie, il y a l'air d'avoir des petites différences souvent. Ils sont carrément des fois accusés de vaporware, là, comme donc c'est-à-dire de dire avoir telle ou telle fonctionnalité puis finalement c'est pas le cas ou carrément d'inventer des produits. Bon, je dis pas que c'est ça qu'ils font, mais ils sont accusés de ça par moment sur certains produits ou certains features qu'ils peuvent y avoir. Donc c'est ça, il y a beaucoup de doutes en fait qui planent sur le produit, sur le Black Phone. C'est très intéressant, le concept est intéressant, mais pour que ce soit vraiment efficace, il faudra que ce soit le plus répandu possible. Oui. Puis, ben, c'est ça. En fait, le prix risque d'être un gros problème, je pense. Donc, moi, personnellement, le succès d'un téléphone comme celui-là, je suis pas certain que les gens soient prêts à, que monsieur, madame, tout le monde, en tout cas, soit prêt à mettre le prix pour autant de sécurité, alors que, les gens, en tout cas, des fois, n'achètent même pas d'antivirus. Donc, je veux dire, il faut commencer par la base aussi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est un peu la fin, en fait. C'est quand on a sécurisé tout le reste qu'on commence à sécuriser notre téléphone. Est-ce que tu penses que ce téléphone-là, disons qu'on reçoit, qu'on a un téléphone, une offre intéressante avec des produits, des offres au niveau des applications, puis ce qui est offert sur le téléphone, on a quelque chose d'intéressant, finalement, on finit par avoir de l'information, parce que là, c'est un problème quand t'as ce téléphone-là. Disons qu'on a l'idéal. Penses-tu qu'on aurait quand même, au niveau comme des gens spécialisés, entre un peu comme toi, là, ou vraiment les crinqués au niveau de la sécurité, puis des gens spécialisés, parce qu'il y aurait un marché à ce niveau-là? Oui, moi je pense que ça peut se vendre. Des gens qui ont vraiment des besoins spécifiques. Oui, des gens, comme tu dis, que des gens comme moi, des crinqués, oui. Mais je pense aussi, je sais pas, des chefs d'entreprise ou des gens qui ont beaucoup de responsabilités ou pour qui la communication, les communications sont vraiment, vraiment importantes. Mais bon, ça a ses limites. C'est sûr que une communication vers Internet, par exemple, quand on parle du surf vers Internet, on va sécuriser effectivement avec le VPN, donc tout va pouvoir sortir. En fait, tout sort chiffré, oui, de notre téléphone, sauf que ça ressort non chiffré des serveurs de Black Phone. Donc, à ce moment-là, ça devient un point unique aussi pour pouvoir écouter ce qui se passe. En fait, je pense à toutes les histoires les scandales d'écoute ou de surveillance par la NSA, la fameuse affaire Snowden. Oui. C'est exactement comme ça qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'installaient côté fournisseur d'accès Internet, par exemple sur des fibres qui sortaient de chez Google ou de chez Microsoft ou peu importe de Yahoo, et ils regardaient juste les paquets passés. Donc juste ça, en fait, c'était assez pour leur donner de l'information. Ils n'avaient pas besoin de regarder ce que font les gens individuellement chez eux. Ils vont sur le point central qui est dans ce cas-là Black Phone, en fait. Et ils regardent tous les paquets passés et ils ont leur information. Donc, ça a vraiment des limites. En tout cas, par rapport à la NSA, même s'ils disent que c'est le téléphone anti-NSA, là, il y a vraiment, vraiment des gros, gros doutes à avoir. Surtout justement qu'avec une compagnie qui offre ce service-là, étant la seule, donc ça fait une cible assez intéressante pour les pirates. C'est certain, pour les pirates, pour tous les systèmes de surveillance aussi gouvernementaux, ça va être la cible unique. Quand on achète un Black Phone, on va être clairement identifié comme étant à risque ou comme étant suspect, en tout cas, de vouloir cacher quelque chose. Même si alors que tout ce qu'on veut, c'est avoir une vie privée, ouais, c'est voilà. Ça. Donc, c'est un produit, disons, qui amène la discussion, c'est très intéressant. On va suivre ça. On a hâte de voir les développements. S'il y a, parce qu'il y a quand même tu disais que tu étais sceptique justement par rapport au téléphone, puis que t'es même, toi, personnellement, t'es même pas convaincu que le produit va voir le jour tout court, là. Ah, ouais, non, je suis pas convaincu du tout. Moi, je pense que ça pourrait mourir dans l'œuf. Puis même si ça vient à arriver, ce sera pas nécessairement les features que les gens s'attendaient à avoir. Les limitations vont faire que, oui, ça va être plus secure, mais pas au niveau anti-NSA, comme ils semblent vouloir faire leur publicité. Là. Excellent. Écoute, Pierre-Luc, je te remercie beaucoup pour cette chronique, encore une fois, des plus intéressantes au niveau de la sécurité informatique. Je te souhaite une belle soirée. Je te remercie beaucoup et à la prochaine. Ben, merci à toi. CJMD, la radio de la Rive-Sud. Cheese! Ooh, that one! choix du net. This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une chanson, la meilleure, non, pas la meilleure, mais une très bonne chanson de CCR, qui était Fortunate Son. Et là, vous venez d'entendre Duke Nukem, que j'avais pris à l'époque, quand j'étais seulement simple chroniqueur à Puissance Maximale, lors de ma première présence en tant que média là-bas. Et c'est notre ami Philippe de Rouville. Qu'on salue, qui était cosplayé comme ça. Donc, mais là, évidemment, on vous a mis ça pas pour rien, mesdames et messieurs, parce qu'il est temps de vous parler de G-Anime. On s'en va là vendredi. 5 heures de route pour se rendre. On arrive là en fin d'après-midi, on se set et on part pour une fin de semaine de couverture médiatique. Ça va être notre quatrième. Ou cinquième année qu'on y va. Quatre ou cinquième. Bref. Plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'on va là-bas. D'ailleurs, on s'est remercié encore toute l'organisation et en particulier M. Luc Biron, qui est un ami personnel, mais aussi justement le président de la Société d'animation japonaise de Gatineau. Et en fait, qui est un des principaux organisateurs de la place, qui nous accueille à chaque année, qui nous permet de parler, d'avoir des accès privilégiés à ses invités, à ses activités et tout. Et là, en plus, primeur, mesdames et messieurs, ça on ne l'avait pas annoncé avant, mais j'ai su plus tôt cette semaine que nous allons faire, nous allons récidiver dans la vidéo, et nous allons faire une émission spéciale, une heure G-Anime en vidéo, que nous allons pouvoir mettre sur YouTube, bien évidemment, après notre passage, ça va sûrement, en fait, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, on va diffuser la moitié de cette heure spéciale, on va la diffuser à la radio aussi pour les gens qui n'auront pas la chance de voir la vidéo. En fait, la vidéo risque d'arriver après l'émission de radio. Et l'autre heure de l'émission, la semaine prochaine, sera avec nous, avec un retour et aussi des chroniqueurs. Mais c'est ça, on va faire un beau vidéo comme l'année passée avec les gens qui seront présents. On monte là, évidemment, on en avait parlé, mais on monte avec une amie, une collègue, Madame Sabrina Cloutier, des Geeks Contre-Attaque, qui est une autre émission à Québec. On fait équipe, finalement, avec nos amis des Geeks pour aller couvrir cet événement-là. Fait qu'elle va être avec nous. Et, en tout cas, elle m'a dit qu'elle participerait à l'émission. On va voir rendu là-bas, parce que c'est la première fois qu'elle sera à l'événement. Peut-être qu'elle va avoir plein de trucs à faire et plein d'entrevues à réaliser aussi. Mais normalement, elle devrait être là, également. Donc, voilà, on va être vraiment, vraiment occupé. Moi, évidemment, comme j'ai parlé la semaine dernière, je vais animer deux entrevues devant public, deux ateliers en fait d'une heure avec M. Thierry Bourdon. Une sur le doublage, une sur la carrière de M. Bourdon. M. Thierry Bourdon qui a fait, entre autres, la voix de D'Artagnan, la voix de Ramis aussi dans Albator 78, qui refait ce personnage aussi dans d'autres séries d'Albator également, qui a redoublé cette voix-là. Il a joué dans Candy, dans Goldorak, dans Lady Ascar, bref, dans beaucoup de classiques de mon enfance. Donc j'ai très, très, très hâte de lui parler, de faire cette entrevue-là et d'animer ces ateliers-là en grande salle. Et bien évidemment, je ferai des entrevues. Mais ça paraît pas, là, mais on a quand même le temps de s'amuser et de faire autre chose. De mon côté, en tout cas, moi, Bienrou, c'est sûr et certain qu'on va le faire. Il y a un concert de l'orchestre de jeux vidéo. Nous allons y être. Oui. Oh, que j'ai hâte. Oui. Puis en plus, il dure 2 heures. C'est un show de 2 heures. C'était samedi, ça, hein? Oui, samedi après-midi, de 14h à 16h. Pour les gens qui ne sont pas encore décidés, premièrement, Puissance Maximale sera sur place, donc c'est une bonne raison de, en plus de vous rendre à Gatineau. Déjà que le festival est excellent, il y a vraiment de quoi pour vous occuper toute la fin de semaine. Le spa, en plus, on va voir nos amis de Gino Pizza qui vont être encore là cette année, j'espère. Faut dire parce que... Généralement, on mange tout le temps, là. Ouais. Ben en fait, pour vous expliquer, ça se passe au Centre des congrès de Gatineau. Et il y a, où le Centre des congrès, évidemment, une place comme dans les salles d'achat. Un mail de bouffe. Ouais, c'est ça, un food court, comme disent les Anglos. Donc, un cours de nourriture. Genre, il y a plein de trucs. Et Gino Pizza, on y va souvent. En fait, le trois quarts de mes repas, je les prends là. Pour la simple et bonne raison que c'est pas trop cher, c'est très bon. Et aussi... Le monde est sympathique. Les gens sont super super fins. Et il y a 2 ans, je me rappelle que je cherchais désespérément de la bière. Parce que je me laisse plus prendre. Maintenant, j'amène ma bière à partir de Québec parce que c'est compliqué. Mais je me suis, c'est le commis du restaurant de Gino Pizza qui m'avait dit par où passer pour aller me chercher de la bière. Donc, pour cela, je les remercie. Cette année-là, ils ont sauvé mon samedi soir. Et le trajet était « passe par le couloir de service ». Ouais, c'est ça. Passe par là, puis tu vas te trouver. Donc, moi, déjà là, un gros coup de cœur. Mais bien évidemment, on y va principalement pour l'événement. Pour les gens qui... Non, il va juste pour la bouffe. Ouais, juste pour la bouffe et la bière. Non. Hey, écoutez, encore cette année, puis là, un incontournable encore cette année, Andrew, la salle de jeu. On en parle à chaque année de la salle de jeu à Janimé, mais toujours très impressionnant. L'année passée, cette année encore, normalement, on va faire notre émission spéciale là-bas, dans cette salle-là. On l'avait fait tard l'année passée. Il y avait un peu moins de monde, mais c'est quand même une des salles les plus... occupé de la fin de semaine. Il y a du stock, mes amis. Il y a beaucoup de consoles rétro, beaucoup de jeux, des excellents jeux, évidemment des trucs plus récents, et il y avait aussi des bornes d'arcade. Je ne sais pas s'il va en avoir encore cette année, des bornes d'arcade. On va espérer, ce serait le fun d'y retourner. Alors, évidemment, son free-to-play, donc gratuit pour tout le monde. C'est toujours un classique d'y aller, et il y a les jeunes cartes Magica qui sont présents. Et Dieu sait qu'il y en a des tournois. Ah, il y a beaucoup de tournois de cartes et il y a aussi surtout des prix plus qu'intéressants. Ils font tirer cette année une PS4. Ils font tout le temps tirer des consoles. Ben, pas tirer, mais en fait, le gagnant des tournois reçoivent ça. Ils ont tout le temps du beau matériel à vendre aussi sur place. Donc, une autre raison d'aller à la salle de jeu. Toi, de ton côté, Andrew, là, des petites attentes particulières ou des petites activités que tu as vraiment hâte de faire? Ben, moi, je te dirais tout ce qui implique le joueur du grenier. Évidemment, oui. Ça, malheureusement, j'étais supposé faire une activité avec lui, mais finalement, on m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'animateur, et j'ai fait, c'est ben correct. Je serai présent comme spectateur lors de ce panel-là, de cet atelier d'une heure, là, mais j'ai vraiment hâte d'aller voir, d'aller lui parler aussi. Je vais l'avoir en entrevue quand même, là, mais ça va être très intéressant de l'entendre, et aussi de voir ce qu'il fait. Ça m'intrigue, c'est en faire ce qu'il fait sur scène pendant une heure. Avec, et évidemment, il va être avec son acolyte Seb. Mm-hmm. Mais c'est ça, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Sans faire ça. Mystère et boule de gomme. Ben, il va participer à ICI Janimé, qui est une activité justement où on visionne de vieux animés qui ont mal vieilli. Puis il y a des commentaires là-dessus. Là, Monsieur Julien Materne, qui est notre chroniqueur comic book. En fait, c'est lui qui anime cette activité-là. Il sera avec le joueur du grenier. Il nous en avait parlé d'ailleurs. Oui, puis d'ailleurs, je te l'annonce, Mike, parce que tu le sais pas. Oh. Je vais sûrement avoir une entrevue avec Tester Alpha, oh, qui est comme un peu ben notre oui, équivalent en point de vue joueur du grenier. Ouais. Puis en même temps, ben il va être au show du Gros Baca avec Julien Materne encore une fois et Jean-François Bibeau. Donc Jean-François Bibeau d'ailleurs, que je risque d'avoir une entrevue avec lui aussi. On va être occupé. Donc ces deux invités-là. Et en même temps, ben il va sûrement chasser Luduc aussi pour aller troller un petit peu. Notre ami Luduc, c'est sûr et certain qu'on va essayer de l'accrocher. On l'avait eu à l'émission il y a 2 ans. On est toujours en train de jaser, on est toujours en train de le saluer puis d'y parler à chaque convention. En février, là, on devrait mettre en route nos projets. Ouais, c'est ça, on a un truc, là. On se prépare une petite affaire avec lui. À cause de là, il y a eu le temps des fêtes, mon déménagement, parce que oui, je suis revenu dans mon fief, la rive sud. C'est à bonne rive, comme tu dis. C'est à bonne rive. Donc, on va arranger ça, puis on va avoir un petit peu plus de temps. Fait que... Mais donc, on va être très, très, très occupé sur moi, l'orchestre, jeux vidéo. Oui, ça, c'est j'aime toujours ça, les ces genres de choses-là. Il y a d'autres shows musicaux aussi qu'il va y avoir. Malheureusement, je pourrais pas y aller. Il y avait, quand on disait ça, Press Start to Play. J'aurais aimé ça aller voir. Mais en même temps, je vais animer le truc avec M. Bourdon. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Mais il y a un tournoi de cartes de My Little Pony. Ça, je suis tout à l'heure d'y aller. Ah, tu vois ça... Il y a 100$ en prix. Non, je sais pas pourquoi le chat. Non, en fait, je sais pertinemment pourquoi j'irai pas. Mais non, voilà. On n'ira pas plus loin dans le sujet. Mais non, il y a plein d'activités. Évidemment, toujours une très bonne sélection au niveau de la projection d'animés. Il y a beaucoup de rétro, j'adore ça. Évidemment, il va y avoir beaucoup de trucs avec Monsieur Bourdon, auquel M. Bourdon a participé là, tout au long de sa carrière. Du Goldorak, entre autres, du Albator. Il va y avoir plein de trucs. Donc, c'est sûr que je pense que je vais aller... Tu sais, les bouts, là, t'es tanné de marché, pas sûr de ce que tu veux faire. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui est projeté à J'Animé. Une autre bonne raison de vous y rendre. Tournoi par-dessus tournoi. Non, sans farce, il n'y a pas vrai... Il y a aussi toujours les ateliers. Ouais, puis en plus, là, il y a quelque chose que normalement j'aime bien voir, mais, tu sais, 5 heures de route, c'est le GAMV, là, dans le fond, le concours de AMV. Ouais. Au Canada, le concours de G-Animé est quand même d'un très haut calibre, là, parce qu'il y a du monde autant en Europe qu'au Canada, ouais, qu'aux États-Unis qui participent. Puis généralement, il est quand même d'une très bonne qualité, puis vraiment très le fun à regarder. Ouais, t'avais été juge, toi, une année, là. Oui. Ça a été l'année où je me suis fait lyncher en public, là, mais à part ça, ça va. C'était bon, moi j'avais aimé ça. Non, mais ça cause que c'est... Le principe, c'est qu'on avait été mis comme juge dans un système qui était là en place avant, qu'on nous a pas expliqué. Fait que chaque juge avait sa propre interprétation des critères d'évaluation. Ouais. Fait que là, le monde, il disait que c'était des clochards qui avaient été recrutés dans la rue, qui avaient évalué les vidéos, parce qu'ils étaient pas... Tu vois, moi, j'étais d'accord avec vous autres. Moi. Parce que moi, les AMV, trop visuels, juste visuels, en fait, qui essayent pas de monter... Je sais pas, ça m'énerve. Puis il y en avait beaucoup cette année-là. L'année d'après, on avait commencé à entamer une refonte des règles. Finalement, par manque de temps, je me suis dissocié du concours. Parce que voulez-vous, puissance maximale, ça prend du temps. On vous le rappelle. Puis ça, c'est sans compter les autres activités dans lesquelles je suis appliqué connexes à ça. Mais on avait écrit quand même une bonne partie des règles. Et d'ailleurs, William Bailey, que je salue, a pris les rênes pour continuer. Et le squelette que j'avais écrit à l'époque est encore le frame qui est utilisé. Ah, fait que visiblement, je devais pas être si con que ça. Non, t'es pas con. C'est un peu cabochon à l'occasion, là, mais c'est rien de grave. Non, c'est ça. C'est sympathique, c'est récupérable. Moi et ma barbe pas faite. Ouais, j'allais te dire justement de faire quelque chose par rapport à ça. Non, elle reste. Et là, bien évidemment, il y a la mascarade le samedi soir qui est un must pour les amateurs de cosplay. Est-ce que tu vas y aller? Non, j'ai d'autres choses pendant ce temps-là. Moi, malheureusement, je vais sûrement être en entrevue. Mais c'est ça, moi, je suis pas un... Moi, c'est autant un must. C'est l'activité la plus courue dans les conventions, la mascarade. Mais moi, j'y vais pas. Ben moi je n'en fais pas de costume. Fait que, non, c'est ça. Moi, quand je vais là pour faire comme ouais, il est beau, mais je l'ai vu dans le corridor dans la journée. Ben c'est ça. Moi je suis cosplayer. Mais des fois, t'as des bons sketchs, t'as des bons trucs qui accompagnent la présentation du costume. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est long. Puis vu que je suis pas cosplayer, tu sais, j'apprécie très bien le travail des cosplayers, je comprends tout ce que ça demande. Mais assis dans une salle pendant une heure et demie, je trouve ça un peu long. Ouais. J'apprécie pas autant que les amateurs. Puis, effectivement. Il y a beaucoup plus d'amateurs que moi parce qu'il y en a pas mal. La salle est pleine en fait lors de la mascarade. Donc c'est pas trop compliqué. Là. C'est très populaire, mais je n'y serais pas malheureusement pour eux. Évidemment, j'avais été là. L'ambiance aurait été encore meilleure. Est-ce que tu vas aller dans les à l'activité squelette dans le placard? Sais-tu, moi je t'ai parlé de ce que je faisais en tant que puissance maximale. En tant que visiteur, j'ai pas regardé beaucoup. Encore l'horaire pour la scène. Là, je me suis arrangé, j'ai arrangé mes entrevues, mais sûrement que je vais aller faire un tour. Évidemment, vous connaissez le concept qui est l'émission à Radio-Canada. Le concept est repris avec des invités de la convention qui vont se... T'as déjà participé, d'ailleurs. Oui, ben à la version Cap et Kimono 2010 avec mon... Ton terrible secret. Oui, avec mon ma meilleure anecdote à vie. Le monde n'a pas cru. J'ai gagné, d'ailleurs, à cause de ça. Le monde me croyait pas, j'ai raconté l'anecdote et c'était vrai. voilà. Non, je sais pas c'est quand le squelette. C'est le samedi? C'est le samedi. Ah non, ben on pourra pas, Andrew. Nous serons en plein concert. On va être en train d'écouter l'orchestre de jeux vidéo. On ne pourra pas être là, malheureusement. Écoutez, là, on vous défile ça rapidement, mais il y a tellement d'autres trucs. Là. C'est une grosse fin de semaine. Mais écoutez, moi, je vais en profiter pendant que je vous parle pour vous mettre l'horaire de G-Anime sur la page de Puissance Maximale. Mais fais donc ça. Ça va vous donner une idée de tout ce qu'il y a à faire. Et vous allez voir, c'est vraiment... Moi, félicitations à la gang de G-Anime pour cet horaire-là, électronique, fait directement sur un site. Là. C'est accessible facilement. Puis vous avez... Moi, je présente ça. Il y a un descriptif des activités détaillées. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous le regardez. Ça vous dit, vous avez différentes façons d'afficher l'horaire. C'est vraiment bien fait. Ça fait qu'en plus, une belle innovation à ce niveau-là cette année. Donc, allez-y. C'est sur la page Facebook de Puissance Maximale pour l'horaire de G-Anime de cette fin de semaine. Évidemment, on vous invite à vous y rendre. Ça vaut plus que la peine. C'est pour une fin de semaine comme ça d'amusement. Et on oublie, j'oublie d'en parler, là, mais toujours la salle marchande. La salle marchande. Et quelque chose. Moi, c'est en face, la salle marchande de G-Anime, d'année en année, je me rends compte qu'elle est plus intéressante que bien des salles marchandes de grosses conventions. Je trouve plus de stock intéressant. Vous avez des marchands le fun, c'est ça plus que c'est animé, mais il y a quand même un bon côté geek généraliste à G-Anime. Vous avez un peu de tout. Et sans oublier les artistes aussi. Pas juste des marchands, il n'y a pas juste des magasins qui sont présents, mais il y a aussi des artistes. On salue entre autres notre amie Véronique. Pink Vivi, pour pas nommer son surnom, qui va être encore là, j'imagine, cette année. C'est sûr qu'on va aller faire un tour. Oui, parce qu'on l'aime. On l'aime d'amour, elle est super fine, puis à chaque fois, on repart avec quelque chose, parce qu'elle fait vraiment, vraiment des beaux trucs. Donc, aussi, c'est pas juste une question d'aller voir les magasins, d'aller s'acheter des mangas, puis des DVD, mais d'aller voir aussi les artistes. Il y a des très, très, très belles choses qui se font. Vous avez un petit problème de décoration intérieure, là. Vous allez trouver de quoi à votre goût, ça, c'est sûr et certain. Donc, une autre raison d'aller à G-Anime, c'est d'aller dépenser. Aussi, ça vous donne accès à une super salle marchande, super intéressante. Et en plus, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de gens intéressants. Il y a beaucoup de mes très bons amis que j'ai connus via les conventions. Donc, commencez donc ça. C'est une belle tradition à commencer dès cette année avec G-Anime. Et voilà, c'est dit. Nous y serons vendredi, samedi, dimanche. Émission spéciale qui sera mise sur YouTube après l'émission de la semaine prochaine, mercredi prochain. Et voilà, vous savez tout maintenant, mesdames et messieurs. C'est un rendez-vous en fin de semaine. Remercions encore l'équipe de G-Anime qui va nous accueillir. Merci entre autres à M. Mathieu Charron, qui sera notre technicien pour l'émission vidéo. Parce que je suis pas assez bon. Mais là, tu peux pas gérer la caméra. Non, c'est ça. J'aurais trop de choses à gérer. C'est en plein ça. Donc, merci à tous et on se rend à G-Anime cette fin de semaine. Et M. Castegan, il est temps d'aller en musique. Déjà? Ben oui, avant d'aller en nouvelle ludique pour finir le premier bloc de Puissance Maximale. Mais pas d'après le plan? Ben oui, certainement. Ben oui, t'as raison, j'ai rien dit. On va aller écouter un homme qu'on aime beaucoup, avec qui Andrew a eu la chance de parler cet été, M. Brendel Floss. On y va avec sa chanson Zelda with Lyrics, à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Do you recognize this music? Well, duh. Why? 'Cause it's the motherfucking legend of Zelda. An old man and this cave is my home. Take this, it's dangerous to go alone. Now journey across a spooky land. You hold in your hand a sword that shoots laser beams. Won't you feel like a man dressed up like Peter Pan on a quest greater than your dreams, I blame you, blame you, blame you, good link. From here to over there, you'll find Ganon's lair. Come on, it's your destiny. Trust the hero inside, but if you're terrified, purchase the strategy guide from me. $14 also tax. Here you go now, Zelda is helpless and distraught, but mostly she's hot. So hurry, just steady thy course. Go find that Triforce, then take it by force, and maybe she'll touch your wang. Touch your wang, touch your fang. Ring a ding a ling a go link. Get your man on. Seek out Ganon. Go invade. dangerous to go alone. Take this! Hey, I'm Bro Jared, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Brendan Floss, Zelda with Lyrics. Et on s'en va en nouvelle ludique pour la fin de la première heure de Puissance Maximale. Ben oui. Ben, première nouvelle, le DLC du très excellent jeu d'aventure de Naughty Dogs, The Last of Us, va sortir pour la Saint-Valentin. Si vous avez acheté The Last of Us pour votre conjoint ou conjointe dans le temps des fêtes et qu'il est satisfait et qu'il veut plus, toujours plus de The Last of Us, ben sachez que le DLC sera disponible le jour de la fête des amoureux. Donc, un excellent cadeau ludique à faire à votre conjoint ou conjointe. Ben oui, tout à fait. Mais là, Andrew, je me demandais ça, parlant de Saint-Valentin. Hein. Oui, je suis tout seul, je sais. Moi aussi, là, mais non. Je me demandais, est-ce qu'on va refaire un spécial cette année des bons jeux à jouer à deux? Faudrait bien, hein. Ben écoutez, mesdames et messieurs, on vous l'annonce, spécial Saint-Valentin, la semaine, évidemment, de la Saint-Valentin, les meilleurs jeux à jouer en couple. C'est dit. Mais ça va raconter quoi, le DLC? Est-ce qu'on a des détails? Ben en fait, le DLC va s'appeler Left Behind. D'après l'image, ça semble être avec la fille, que j'ai oublié son nom, qui accompagne Joel, le personnage principal de Last of Us. Mais là, juste pour bien faire, il y a un trailer, mais t'es... Non, c'est ça. On peut pas vraiment l'écouter. Mais c'est une campagne solo. Donc, dans le fond, ça doit être des éléments d'histoire, un prequel ou un après le jeu. Ou... De toute façon, Last of Us, c'est un des meilleurs jeux. Ben, pour beaucoup, le jeu de l'année. Le jeu de l'année dernière. Ben, je connais un Brian qui l'a. Là. Je devrais être capable d'y emprunter un moment donné. Ouais, peut-être que je... Ben, toi, t'avais joué un peu, mais... Ouais, mais j'ai pas pu le finir. C'est ça, moi aussi, j'aimerais ça. Mais mettre la main là-dessus, là, pour pouvoir essayer ça. J'ai pas eu la chance. Il est excellent. De vrai, qu'est-ce que j'ai joué, là? Naughty Dog, depuis une couple d'années, ils sont assez solides. Ils sont sur une lancée, j'ai hâte au prochain Uncharted sur PS4. Oh yes! Ah oui, tellement. Tellement. Ça va être beau, ça. Excellent. Autre nouvelle, M. Castellano? Ben, propriétaire de PS4, faites attention à l'erreur CE34-878-0. Mais là, Andrew, qu'est-ce donc que ceci? Ben, il s'agit d'une corruption de sauvegarde pour votre jeu, en fait. Ce problème-là était apparu à la base au début décembre avec les jeux NBA 2K14 et FIFA 14. Et maintenant, avec le temps, ben c'est rendu que même les d'autres blockbusters de 2013 comme Battlefield 4 ou Call of Duty Ghost ou Assassin's Creed 4 Black Flag peuvent être victimes de ce problème-là. Et c'est désagréable parce que ça fait en sorte que non seulement vous perdez votre partie, mais ça peut influencer aussi le démarrage de votre jeu. Donc, c'est quand même très désagréable. Quelques joueurs victimes de ce bug-là ont trouvé une façon de supprimer directement le fichier corrompu sur la console, mais cela ne garantit pas que tout va être réglé et vous permettre de jouer. Non, on ne sait absolument pas comment ça se manifeste, cette erreur-là. Pas pour le moment. C'est le fun, ça? Yep. On ne sait pas, ça peut arriver n'importe comment, puis là, tu fais... Mais moi, j'ai ma petite théorie. C'est à cause que la console ne s'éteint pas vraiment. Elle se met en mode stand-by. Puis si on l'éteint directement, elle fait un check disque à chaque fois parce qu'elle n'a pas fermé convenablement. Mais ça, c'est à cause que quand la console est bien beau qu'elle se mette en stand-by, mais tu sais, une panne de courant, là. Mm-hmm. Tu peux pas le prévoir. Ou encore quand tu as des furets ou un chat, là, puis qui marche sur le bouton de la power bar. Là. Mettons. C'est pas parce que je dis pas ça parce que ça m'est arrivé, là. Mais, tu sais, je me dis que c'est peut-être ce genre de phénomène-là qui pourrait peut-être... Une coupure de courant là, vers la machine pourrait causer ça, tu penses? J'ai l'impression peut-être, oui. Déjà qu'une machine qui se ferme pas au complet. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. Ben, ça fait en sorte que les manettes se chargent à cette heure quand tu vas. Ouais, mais... Tu sais, on dira ce qu'on voudra. Un ordinateur, là, ça peut être seté pour pouvoir marcher tout le temps. Tu sors démarrage... Des fois, là, laisser ne pas marcher, ça a ses avantages aussi. Mm-hmm. En tout cas, je dis ça comme ça. Là, à cette heure que les consoles s'en viennent de plus en plus designées comme des PC, là, on devrait peut-être y penser. Hein. En tout cas, s'est lancé comme ça dans les airs. Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, ben on a eu plus de détails au niveau de la version définitive de Lara Croft Tomb Raider, jeu qui avait quand même remporté un bon succès au niveau des consoles PS3, Xbox 360 et PC. D'ailleurs, toi, tu as eu l'occasion de jouer à la version PC, M. Michaud. Oui. Et dans le fond, Square Enix ont fait une version next-gen du titre. Vidéo d'ailleurs disponible sur Internet où il montre tous les éléments qui ont été rajoutés au jeu. Je vous dirais que c'est une refonte quasi complète des engins physiques parce que vous savez, les consoles nouvelle génération, ce n'est pas tant la beauté graphique de la console que ben, les... Ben oui. Déjà mais, là, ça paraît oui, beaucoup. Là, ça mais... paraît, mais la grosse emphase, c'est les particules et la physique. Donc, dans Tomb Raider Definitive Edition, on va avoir une animation complète de tous les cheveux de l'héroïne avec un principe de gravité, de vent et d'éléments externes. Il va avoir aussi toutes les armes de l'aventurière de visibles sur le personnage, que ce soit l'étui pour le pistolet, l'arc, ça, c'est le pic. Et... pas de clipping, mes amis. Oh, c'est ça. Pour définition, pour le monde qui ne sait pas le clipping, c'est que l'arc passe à travers Lara Croft quand elle fait certains mouvements. Mais là, l'arc va bouger et tout l'équipement va bouger en fonction des mouvements de Lara Croft. Ça, c'est le fun. Ça a l'air niaiseux pour bien du monde, là, mais pour rendre un jeu immersif, là, c'est ça que ça prend. On est rendu dans ces détails-là. Puis, Advenalka, exemple, mais au niveau des flèches, vous allez avoir aussi de l'animation sur les flèches dans le carquois. Donc, quelqu'un va se déplacer. Nouveau moteur physique pour la météo, les environnements, les réactions déjà, dans le fond du décor en fonction... Déjà que c'était solide, là. C'est ça, en fonction de Lara Croft. Et également, la chose qui m'a vraiment impressionné, tout le visuel de Lara a été retravaillé, mais aussi en même temps, ils ont mis des points au niveau de Lara Croft pour la sueur, la saleté, le sang et tout. Donc, dans le fond, maintenant, le cas que Lara, ça va se promener dans de la swamp... Ben, elle va être crottée. Elle va rester crottée juste à temps qu'elle tombe dans de l'eau propre ou qu'il pleut ou X chose. Donc, ça va apporter un gros plus au jeu. Moi, déçu qu'il n'ait pas fait une version PC de cette Ultimate Edition-là, de cette définitive édition-là, mais bon. On va s'arranger pour la tester. On en parlera à Eric. Eric, finalement... On y en avait parlé l'année passée, puis il dit « Ah, Tomb Raider, finalement, quand il a joué, il a trippé. » Je sais pas s'il serait le genre à se repogner ça sur la Definitive Edition sur sa Xbox. On y reparlera. Ouais. Peut-être une dernière nouvelle avant de partir pour la deuxième heure de Puissance Maximale. Je parle d'un jeu que j'aime beaucoup. Dont le troisième opus de la série s'en vient cette année. Pas Witcher. Oui, Monsieur Castigan, The Witcher 2, qui est disponible bien évidemment sur PC, que je recommande chaudement, mais vous pouvez aussi aller vous chercher ça sur 360. Mais malheureusement, les gens qui possèdent une PlayStation 3 n'ont pas Witcher 2. Et j'ai trouvé justement une nouvelle où CD Projekt s'explique à propos de cette non-sortie-là. Donc, on vous rappelle d'ailleurs que les nouvelles dont on vous parle, que l'on commente, sont tirées du site jeuxvideo.com. Donc, on nous parle de la sortie de Witcher 2 sur Xbox 360, qui a permis à de nombreux joueurs de consoles de découvrir cette saga-là, parce que la saga Witcher est très, très solide, selon moi, autant au niveau gameplay, mais surtout, surtout au niveau de la trame narrative, du scénario, qui est très, très, très bonne. Mais les gens de la PS3 n'ont pas eu cette chance-là parce que la version prévue, il y avait quand même une version prévue pour la PS3, a été annulée par CD Projekt. Donc, un des fondateurs du studio a révélé les raisons de leur choix à MCV India en disant « Nous aurions vraiment aimé le faire, mais le Witcher 2 sur PC était tellement énorme que le transposer sur 360 nous a pris une année. » Ça leur a pris un an de portage vers la 360. Pas seulement on dit « C'est pas compliqué, hein, développer sur des consoles. » C'est compliqué. La Xbox 360 était une plateforme plus puissante et plus facile pour coder que la PS3. C'est sûr qu'on passe du PC à la Xbox. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que ça va être plus facile. Alors, on aurait pris une autre année, voire un an et demi. Ça aurait été intéressant pour les gens d'attendre aussi longtemps. De plus, il aurait fallu décaler The Witcher 3. Ça a fait une grosse partie de l'équipe sur le portage vers la PlayStation 3 du Witcher 2. Donc, ça aurait pris des sacrifices au point de vue graphique par rapport à la 360. Donc, voici les raisons que je respecte. Je trouve ça Regarde, on aurait fait trop de sacrifices. T'as pas du tout le parti pris. Non, mais c'est vrai, sans farce. Trop de sacrifices pour le jeu, ça l'aurait dénaturé. Puis je trouve que le jeu est assez solide. Comme ça, faut pas justement le changer. C'est ces qualités qui sont là. Donc, oui, c'est ça. Le site nous dit que c'est, selon eux, une décision sage, comme je viens de vous dire, qui semble avoir travaillé pour CD Projekt, qui semble avoir travaillé différemment pour le prochain épisode de la série, qui sera Witcher 3 Wild Hunt, qui le fera en avril sortir conjointement sur PC, Xbox One et PS4. Et ce, normalement, de façon simultanée, tout en même temps. Hourra! Tellement. Donc, ouais, mais moi, je dis ça parce que je me suis réinstallé Witcher 2 la semaine passée. Et t'as des problèmes avec. Ouais, mon PC fait des drops au niveau du framerate, là, des fois, là, c'est tannant. Mais je suis quand même, je suis capable de jouer, là, c'est pas un problème. Mais des fois, il part, ben, faut que j'arrête. Ben, c'est correct, ça contrôle mon temps de jeu, je fais d'autres choses. Genre, ça, dans le fond, c'est ton ordinateur qui porte des messages subliminales que t'as trop joué. Genre, slack de jouer, le gros. Voilà. Et il est maintenant déjà temps. J'aimerais en faire une dernière nouvelle, Michael, s'il vous plaît. Ben, vas-y, vas-y. Quel est propriétaire de Xbox One, si vous avez le jeu Dead Rising 3, oh oui. Ne faites pas de saut. Il y a une patch de 13 gigas. Fait que c'est dans ce temps-là que vous levez le point. Vous dites, pourquoi j'habite au Canada? Ouais. Mais il va y avoir une mise à jour de 13 gigas sur Dead Rising 3. Microsoft s'explique en disant que c'est une mise à jour pour préparer la sortie du DLC Broken Eagle. D'ailleurs, j'ai regardé le trailer du DLC. Puis... Wow. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas intégré dans le DLC, cet update-là. Mais bon. Ben à mon avis, ça doit être une correction de plein de bugs dans le jeu. Parce que Dead Rising, à la base, c'est Capcom qui l'a fait. Et on connaît tous la qualité de programmation de Capcom. C'est comme le Bethesda, mais contrairement à Bethesda, où on fait tout le temps comme... Ah, on leur pardonne, c'est Bethesda, mais Capcom a fait... Capcom! Ah, ils sortent toujours 5 versions du même jeu. C'est en vrai bon. Ça. Va être ça pour dire que c'est une préparation pour le DLC et, comme ils disent aussi, des correctifs pour améliorer la performance et la stabilité en solo et en coop du jeu. Des bugs ont été corrigés et un nouveau système de vibration dans les gâchettes a été implémenté. 13 fucking gigs! Oui, 13 gigs! En tout cas, j'espère que vous avez une bonne bande passante avec votre connexion Internet. Sinon, ils disent que si vous voulez jouer solo et vous ne voulez pas avoir l'update, ben débranchez votre Xbox. Ben, après ça, ils vont vous rebrancher là. Non, c'est vrai, ils l'ont enlevé, ça. Non, c'est ça. C'est que, voilà. Mais Operation Eagle va être disponible à compter du 24 janvier. Mais vous aurez besoin d'une... mise à jour de tragique. Disons-le. Il est temps, mesdames et messieurs, de passer à la pause avant de revenir pour la deuxième heure de Puissance Maximale. Et on vous envoie la pause avec une excellente chanson de Black Sabbath. Et ça s'appelle Children of the Grave. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Children of the Grave, The Black Sabbath. Et là, on est de retour pour parler avec M. Andrew Castegan et on va jaser de jeux, évidemment, parce que ça, c'est quand même la puissance maximale. Et on va jaser du jeu Papers, Please. C'est quoi? Rappelle-nous donc, c'est quoi, Andrew, ce jeu-là? Sur le ballon, il y a une carte de son qui essaie de se sauver. Ah, littéralement. Et voilà. C'est et voilà, jeu. On vient de sauver la catastrophe. Mais c'est un jeu PC et Mac, je crois. Disponible sur les deux plateformes. Ben c'est un jeu qui est distribué par la plateforme Steam. Donc oui, effectivement, Windows et Macintosh. En fait, c'est un petit jeu indépendant. Vous savez, je suis une personne qui aime ce genre de jeu parce que ça apporte des expériences différentes de qu'est-ce qu'on trouve dans le marché conventionnel. D'ailleurs, toi, Michael, aussi, je crois que tu es amateur de certains jeux indie. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ah, j'aime beaucoup ça. Mais en fait, de toute façon, les gens le savent, ceux qui écoutent l'émission depuis un certain temps, et les gens qui me connaissent dans la vie, savent que j'aime la diversité. Ben, de toute façon, juste entendre la musique que je passe à l'émission, c'est moi qui... aucune de quoi tu parles. Vous pouvez voir que c'est rarement, à moins des fois, il y a un spécial, on parle juste un artiste ou un type de musique, mais actuellement, c'est assez varié. Sauf que, dans la vie, en général, j'aime beaucoup les trucs variés, donc les jeux indie, ça amène... Ce côté-là, tu sais, au-delà de l'industrie et des jeux AAA, là, ben, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce jeu-là en particulier, d'ailleurs, pendant que tu m'en parlais, moi, je vais en profiter pour mettre sur la page Facebook de Puissance Maximale un petit trailer que j'ai vu. Vous allez voir un peu du gameplay du jeu, là. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Oui. Ben, c'est quoi le jeu, finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est un jeu qui a été développé par une personne. Donc, il y a ça en tête aussi quand vous allez voir le trailer. C'est un jeu qui a été développé par Lucas Pope, qui est sorti le 8 août 2013. Où, dans le fond, le but, c'est que ça se passe en 1982, dans un pays fictif du nom de Darsdozka. Ça ressemble à un nom russe. Darsdozka. Et dans le fond, après 6 années de guerre avec le pays voisin de Kolechia, ben le pays, la paix revient dans le pays et le gouvernement décide d'ouvrir les frontières. En fait, pour les gens qui veulent un peu un contexte, là, il faut se mettre dans le contexte des années 80, la guerre froide, ouais. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. On ouvre un checkpoint entre les deux pays, puis il y a des immigrants qui veulent rentrer. Exactement. Voilà. Et dans le fond, il y a c'est un pays avec un gouvernement un peu spécial et on se retrouve en fait être un homme qui a gagné une loterie pour savoir qui allait se coller au poste d'agent frontalier et au niveau du travail, mais c'est nous, notre personnage qui gagne le travail. Donc, notre job, c'est à tous les jours se pointer dans ce poste frontalier-là et contrôler les papiers des immigrants et des personnes habitants aussi qui reviennent de l'extérieur du pays. Et le principe, c'est qu'on est payé au nombre de passeports qu'on valide pour laisser les gens rentrer. Et nous, on a une famille et des enfants. Et on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, on doit payer dans le l'électricité, fond... L'électricité, plus le chauffage. Ouais, ben c'est ça, là. J'ai converti chauffage. J'étudie électricité et chauffage. Ah, oh, je sais pas, mais... Mais bref, faut chauffer, il faut manger, faut payer le loyer. Le résumé, c'est ça. C'est pas mal ça. Et on a nos enfants et notre femme et d'autres personnes, dans le fond, là, qui peuvent tomber aussi malades. Donc, il faut avoir de l'argent pour... prévoir ça et pouvoir les soigner si ça arrive. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le salaire est vraiment dérisoire au niveau du jeu. Fait qu'il faut vraiment performer et en faire le plus possible dans une journée pour être capable de tout payer. Mais on peut pas faire entrer n'importe qui au pays. Non, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, au début, on ne fait que valider les papiers. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des attentats terroristes, bien sûr, comme... toute tension politique qui existe dans le monde. Donc, le gouvernement resserre à chaque jour la politique pour que les gens rentrent. Donc, plus de papiers à valider, plus d'informations à valider, plus de choses à vérifier pour faire en sorte que ça devienne de plus en plus dur. Et là, en même temps, on peut pas se permettre non plus de faire plein d'erreurs. En réalité, on a droit à 2 erreurs par jour sans que notre salaire en soit affecté. Donc, advenant qu'on est devant un choix déchirant où on est un chic type et un couple essaie de rentrer et qu'une des deux personnes du couple n'a pas les bons papiers, ben, elle peut faire « Bon, je vais être sympa, je vais laisser la madame rentrer, parce que j'ai pas fait d'erreur aujourd'hui. » Mais c'est sûr, si on fait trop d'erreurs, on finit par avoir des sanctions monétaires et même à un moment donné, on peut se faire fusillé parce qu'on va être considéré comme un traître à la nation. Évidemment, j'imagine que lorsqu'on se fait fusiller, la partie est terminée. Exactement. Et au niveau du jeu, ben qu'est-ce qui est sympathique, c'est dépendamment des choix qu'on décide de faire dans le jeu, on a différentes fins possibles. Parce que t'sais, finalement, on peut jouer purement genre performance et t'sais, on se fout de la famille puis tout ça, puis ça va donner une fin. Mais comme exemple, si on est bon, on fait bien la job et on a notre famille, ben t'sais, c'est un autre type de fin. Le scénario est différent. Puis aussi, en même temps, les décisions morales qu'on a faites au long du jeu, parce que oui, on est confronté à des décisions morales, comme le couple que je te parlais, mais ça peut être aussi une mère d'un enfant qui est malade, puis il faut qu'elle rentre, puis elle n'a pas les papiers. T'sais. Ça peut être des genres d'affaires comme ça. Comme des fois, tu peux te faire vraiment fourrer, puis finalement, c'est un terroriste qui t'a vraiment bullshité. Puis... Oui, parce que quand il y a des problèmes sur les passeports, on peut questionner oui. la personne qui est en avant de nous. Ben là... ça marche pas, ton passeport est expiré. Ben, c'est ça, comme Diego a déjà dit, à un moment donné, il y a un gars qui se présente, pas de passeport, il dit « Ah, vive tel pays, il veut rentrer, puis tout ça. » Puis là, tu lui dis « Il est où ton passeport? » Il dit « Non, on n'a pas besoin de passeport pour rentrer dans ce pays-là. » Là, tu dis « Oui, c'est pas un passeport. » Puis il fait « Ah, ben, je vais revenir. » Puis là, il revient le lendemain avec un bout de papier, avec un passeport de dessiné dessus, genre au crayon. Là. C'est bon, ça. Mais tu sais, le gars, il a de l'air super gentil. Il veut rentrer, là. Non, c'est ça, mais ça marche pas comme ça, monsieur. Mais non, mais en fait, c'est pour ça que je regardais le trailer après-midi, puis je regardais des walkthroughs qui montrait un peu le gameplay. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est pas prenant. Puis il y a un checkpoint à chaque jour. C'est ça, ça fait que, ah, la journée est finie. Une journée, ça dure combien de temps environ en temps réel? Une dizaine de minutes, gros maximum. C'est qu'on peut se faire une petite journée comme ça, puis après ça, hop, oui, on va faire autre chose. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas satisfait de la performance de la journée, on part le checkpoint d'avant, et voilà. Ah, ben c'est bon. Et en plus, à cause de ce que je trouve le fun, c'est que c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer, puis ça demande de la joujotte, là. T'as comme un livre, t'as toutes les ressources, dans le fond, c'est pas compliqué à. T'as un guide à jouer, t'as un guide, puis tout, là. T'sais, il te laisse pas là-dedans, puis faire comme débrouille-toi, là. T'es quand même guidé, là. T'sais. Et moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, ben, c'est que le jeu, il coûte juste 10$. Et voilà, c'est ce que j'allais vérifier. 10$. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis en plus, comme je dis, c'est sûr, attendez-vous pas à ce que ça vous donne une expérience de jeu à la Call of Duty là, ou Battlefield. Là. Si vous êtes un amateur de ces jeux-là, jouez pas à Paper Please, là, on s'entend. Là. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien le jeu, dans le fond, indie, qui offre pas tant une expérience graphique à tout casser, mais vraiment une réflexion, des questionnements moraux. C'est le jeu que ça vous prend. Ouais, mais sans farce, c'est oui, le côté moral, puis c'est ça, le contexte ben, historique, entre guillemets. On n'est pas dans des pays réels, mais on reconnaît assez facilement le contexte historique. Là. Je trouve ça le fun, moi. C'est bien pensé, c'est une idée originale. Le gameplay, on y va avec la souris, je pense, j'ai bien oui. vu. On se promène avec les items. Puis d'ailleurs, dans les 15 images que Steam met de disponible, il a l'image justement du passeport fait au crayon que je te parle. Fait que si vous regardez les images, ben vous allez tomber sur cette fameuse, ce fameux monsieur habillé en rouge avec un passeport très louche. Allez voir ça, puis de toute façon, allez vous l'acheter, bien évidemment, si vous êtes, ça vous intrigue. Pourquoi pas? Y a-t-il un démo disponible? Non. Non, OK. Mais juste pour donner une idée, le site Metascore qui fait une pondération de tous les critiques que de sites web et même les usagers donne une note de 85%. Pour un jeu indie, c'est bon. 85. Oui, ben, c'est bon. 85 pour pas mal de jeux, même les AAA, c'est vraiment une bonne note. Là. C'est pas n'importe qui peut avoir ça. Donc allez-vous chercher ça, mesdames et messieurs, pourquoi pas, sur Steam. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Mettons, là, je te demanderais combien de passeports sur 10? Un 8. C'est bien, ça. Un 8, je ne mettrais pas 0.5 parce que si tu déchires un passeport en deux, ça le rend invalide. Ah, voilà. Puis t'es un gars, hein, t'es droit, un douanier qui respecte ses consignes. Oui. Parce que tu veux nourrir ta famille. J'ai parlé de ça du jeu à un de mes amis cet après-midi. Puis je regarde, je dis, plus tu sais, mieux tu travailles quand tu respectes les consignes et tout, ben à la place d'acheter un navet pour ta semaine, ben tu peux en acheter deux. C'est merveilleux. J'ai donné ça comme image. Ah, il dit c'est bon, je comprends. En plus, ce qui est bien, c'est que ça demande pas grand-chose, en fait. Là. Le minimum qu'ils disent, c'est un ordinateur avec Windows XP, avec un processeur de 1.5 GHz, 2 GB de RAM, Puis même pas besoin de carte graphique. Non, c'est ça. C'est ça prend 100 MB sur votre disque dur. C'est tout petit. Puis vous allez voir, là, le vidéo. Ça fasse pas si mal, moi, je trouve, comme graphique. Non, mais tu sais, c'est un style. En même temps, pour le genre de jeu, t'as-tu vraiment besoin d'avoir de la 3D dans le tapis puis des textures? Non, c'est ça, mais tu sais, c'est un style semi-rétro, obscur, noir. Ouais, mais je trouve que l'ambiance, là, justement, c'est ce graphisme-là, là, cette image-là, ça joue très bien pour le jeu. Là, je veux dire, ça amène beaucoup, beaucoup l'atmosphère que ça veut. Ça veut nous imprégner, on est dedans, à 100%, à cause de ce graphisme-là. Puis évidemment, quand on cale les gens pour entrer dans le checkpoint, on parle dans un haut-parleur, puis ça sonne vraiment cacane. Puis non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance qu'on avait, autant au niveau graphique qu'au niveau sonore. C'est bien, bien, bien pensé. Donc, Papers, Please, moi, j'allais terminer avec tout ça, mais t'as-tu d'autres choses à rajouter? Allez l'acheter. Donc, disponible sur Steam au coût de 10$. Merci beaucoup, M. Castigan. Non, c'est rapide, là, vous allez dire, mais c'est quand même un jeu... c'est pas très compliqué, là. Non. C'est pour ça que ça résume la critique assez rapidement. Et il est temps déjà d'aller en musique, M. Castigan. On va aller avec nos amis du Null Band. Et ça s'appelle À l'aventure, compagnon. Vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez-y. J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais ouï d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. Ma monture s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. Contournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait rester au lit, ce donjon il est pourri. Et la chanson aussi. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot où vivaient trois bossus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors un grand coup de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. De faire cette aventure minable, il aurait mieux fait d'appeler des copains, de sortir ses dés bizarres de toutes les couleurs, de se cacher derrière son écran de maître de jeu et de se faire pourrir sa partie de jeu de rôle par une bande de joueurs incultes qui lui chantent les aventures de Gurdil et des pubs de lessive inutile. En fait, non, il a bien fait de partir. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Eh ben, l'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat. Cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon. Je suis l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, non d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. My name is Greg Smythe. I'm from UEU. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après À l'aventure, compagnon du Null Band. Et là, on parlait hors d'onde, moi, puis Andrew. Puis là, je fais, bon, on va sortir d'autres nouvelles. Là, Andrew dit, ouais, mais j'aurais peut-être une autre critique de jeu à faire. Je dis, pourquoi pas, mon cher Andrew? Et de quoi tu vas nous parler? Ben là, je vais nommer le jeu comme moi, je l'ai entendu quand j'écoutais les vidéos, mais il y a comme un débat sur la façon de le prononcer. Le monde, il y a beaucoup de monde qui l'appelle DZ. Parce que dans le fond, le mot D pour jour et Z pour la lettre Z. Mais il y a du monde qui le nomme comme toi, tu l'as fait. Days. Days. Mais en fait, c'est la façon qui est écrit D-A-Y-Z collé. Ouais, mais en même temps, ils mettent le Z en majuscule. Ah, OK. Ah, ben oui, tout à fait. Parce que dans la plupart des logos, c'est tout. Ouais, mais c'est ça. Mais t'es, quand c'est pas le logo, là, le Z est en majuscule. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a du monde qui dit « Ah, ben t'es, plus il est en majuscule, peut-être parce qu'ils veulent qu'on le nomme Z. » Effectivement. Non, fait que, c'est logique. Donc, nomme le nom comme tu veux. On va l'appeler Daisy. Voilà. Parce que ça fait penser à une femme en même temps. Non. En fait, jeu qui était à la base un mod pour un jeu sur PC qui s'appelait Arma 3. Dans le fond, c'est l'équipe de modeurs derrière ce mod-là qui s'appelle Bohemia Interactive, qui est un petit studio indépendant, a décidé, dans le fond, de rendre leur mod comme étant un stand-alone. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que Arma 3, c'était pas un jeu gratuit. C'était un jeu que le monde devait acheter. Et il y avait du monde qui trouvait ça un peu plate d'acheter un jeu qu'il jouait pas, finalement, parce qu'il voulait juste downloader le mode de Daisy. Non, c'est ça. Pour jouer à Daisy. Fait qu'eux autres, ils ont décidé, on enlève Arma 3, on va se faire notre propre engin, on va se faire notre propre jeu. Et ils ont décidé de se lancer là-dedans. Donc, présentement, le jeu est accessible pour les gens qui ont un ordinateur Windows. Uniquement pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles à savoir si ça allait être disponible sur Mac ou autre plateforme plus tard. Pour l'instant, il se concentre sur Windows, donc les PC. Et disponible sur Steam pour la valeur de 30$ au niveau du jeu. Par contre, note à prendre, le jeu est en accès anticipé, il est en version alpha présentement. Donc, quand vous achetez le jeu, soyez conscient qu'il est plein de bugs, il peut geler et que les graphiques, c'est pas la version finale du jeu. Par contre, si présentement il coûte 30$, soyez conscient que quand le jeu va être en version finale, il va être 60$. Il va être probablement 60$. Donc, et le fait que vous l'achetez en version alpha, ben c'est pour encourager le studio à le développer et l'améliorer. Et ça vous donne certains avantages comme un accès à vie à toutes les mises à jour. Et je crois que vous n'aurez jamais besoin de payer à un moment donné si le serveur devient payant ou une affaire de même. Il y a toutes les informations sur Steam, en fait, sur qu'est-ce que le développeur promet avec un accès early au développement du jeu. Donc, dans le fond, pour vous mettre en situation, vous êtes un survivant qui se retrouve dans le fond dans un pays un peu à la style soviétique. Donc on parle dans le fond de forêts, villes, villages, bases militaires abandonnées, climat un peu ben comme nous autres ici. Dans le fond, petite forêt et des sapins puis du stock de même. Et dans le fond, c'est que l'espèce humaine est presque éradiquée de la surface de la Terre et vous avez des zombies, mesdames et messieurs, partout qui recherchent la chair humaine pour se nourrir. Et vous, vous retrouvez dans une map de 230 km carrés. Donc, faites le ratio, là. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Avec une possibilité d'approximativement 40 joueurs simultanément dans le serveur. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, vous vous retrouvez là-dedans, vous connaissez personne, vous arrivez comme ça dans ce jeu-là. Et vous avez généralement quelques petites affaires qui vous est données. C'est aléatoire. Quand vous commencez la partie, vous pouvez commencer avec un gun, comme vous pouvez commencer avec une poêle à frire. Comme moi, j'ai commencé avec un couteau de cuisine, mesdames et messieurs. Ouais, c'est pratique, ça, comme des zombies, ça, un couteau de cuisine. Bon, vraiment, non. C'est pas très pratique. J'ai sorti de ma maison, j'ai tombé face à face avec deux zombies et ça n'a pas pris de temps qu'ils m'ont bouffé. Fait que ça n'a pas été merveilleux à ce point de vue-là. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans le fond, vous pouvez voir ça un peu comme un jeu de Minecraft en première personne. Dans le fond, si vous avez votre inventaire, vous trouvez des équipements, vous pouvez détruire les équipements pour faire du matériel, pour pouvoir vous construire autre chose. Vous pouvez même vous construire un abri. Vous pouvez vraiment faire une panoplie d'actions parce que le jeu vient avec un système de crafting qui vous permet vraiment de bricoler tout ce que vous voulez, améliorer vos armes et tout ça. et customiser vos armes à feu, bien sûr, parce que les armes à feu viennent pas avec toutes les mêmes caractéristiques. Vous pouvez trouver le même pistolet d'apparence, mais un peut être décalibré et l'autre peut être vraiment à sa coche, mais manquer de force. T'sais, c'est ce genre de choses comme ça. Fait que vous pouvez réparer, customiser et fabriquer vos propres armes avec le système de crafting. Également, le système de crafting permet de faire vous-même votre linge, parce que vous savez, dans le un monde post-apocalyptique, là, ben, quand un zombie veut vous pogner, ben, votre linge, il va se salir, il va se briser, et, maintenant, vous voulez vous protéger, hein, t'sais. Quand un zombie, ça veut vous manger le cerveau, ben, un casque de moto, ça l'aide bien. T'sais, je dis ça de même. Peut être pratique. Peut être pratique. Et un autre système que je trouve quand même très intéressant au niveau du jeu, c'est que vous pouvez chatter, dialoguer avec un système de chat intégré au niveau du jeu. Par contre, ce n'est pas tout le monde sur le serveur qui vous entend, mais vraiment le monde autour de vous. Oh. Fait que dans le fond, quand vous parlez dans votre micro, ben c'est comme si votre personnage dans le jeu parlait. Fait que c'est juste autour de vous qui vous entendent. Hey, c'est un jeu qui a l'air quand même, je répète encore un mot que j'aime beaucoup, assez immersif, là. Oui, et exactement. Et d'ailleurs, le développeur a commencé déjà à parler de qu'est-ce qu'il voulait augmenter. On parle ici de rajouter des véhicules, donc trouver des voitures qui fonctionnent pour voyager dans le pays. Rajouter la vie animale, parce que pour l'instant, il n'y a pas de chevreuil quand vous vous promenez. Il y a juste des zombies et les autres joueurs. C'est ça, exactement. Et améliorer le système de construction pour vous permettre de construire des structures beaucoup plus élaborées. On parle aussi augmenter les interactions possibles avec l'environnement à cause des options de crafting. Exemple, peut-être couper des arbres pour avoir du bois. Des fois, peut-être avoir un environnement qui va pouvoir se détruire. Exactement. Et après ça, améliorer l'interface graphique au niveau de l'interface du joueur. Donc, ici, on parle ici l'inventaire, les touches, parce que pour l'instant, c'est très basique. Là. On parle de fenêtres un peu transparentes avec des entêtes noires puis des cases grises. Donc, ouais, c'est très simple pour le moment. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre tout de suite sur la page de Puissance Maximale Facebook. J'ai posté une vidéo. Donc, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. T'es hot, Mike. T'es hot. Pas pire. Après ça, améliorer, bien sûr, l'engin graphique, l'engin physique. Donc, exemple, rajouter des ragdolls. Maintenant, le cas qu'il y a une explosion pour pas que votre bonhomme fasse juste « Ah, j'ai mal, mais je suis debout et vaillant ». Et bien sûr, nouvelle amélioration. Et ils veulent permettre aux joueurs de modder Daisy. Donc, sortir un système de mod. Ça serait un peu... ça serait un peu ironique de la part d'un studio qui a fait un mod d'un autre jeu d'empêcher d'autres personnes de pouvoir modder. Exactement. Et là, le jeu, présentement, il est en version alpha, comme je disais. Et les développeurs prévoient que le jeu va devenir en version bêta dans environ un an. OK. Donc, il y a beaucoup de travail, mais je vous dirais que pour une version alpha, c'est très impressionnant. Mais comme je vous dis, il faut que vous soyez conscient que... C'est une version alpha. C'est une version alpha. Donc, tu sais, comme exemple, présentement, il y a un bug avec ma carte vidéo, moi, dans mon cas. Il y a un élément dans le dernier pilote de carte vidéo qui fait en sorte que le jeu, il load pas les textures. Fait que tout est gris. Ouais. Fait qu'on s'entend-tu que c'est pas jouable? Effectivement. Mais il y a quand même un forum de discussion sur Steam là, qu'on peut aller parler, là, le Steam Community. Puis c'est là-dessus qu'on peut tout parler, dans le fond, là, des bugs et tout ça. Puis sérieusement, les développeurs sont vraiment très, très, très, très, très proactifs là, au niveau là, des bugs. Et ils font des mises à jour assez régulièrement sur le jeu. Donc, je vous dirais que même si le jeu coûte 30$ à version alpha, soyez rassurés, les développeurs sont à l'écoute et vont prendre en considération vos commentaires. Surtout pour le genre de jeu, la façon que tu en parles, puis des vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'est assez unique. Il n'y a pas grand-chose dans ce genre-là là, qui tend plus vers le réel. On ne parlera pas de d'autres jeux là, où on peut mettre deux chainsaw au bout d'une rame de kayak puis rentrer des zombies. Là. Non, c'est assez réaliste. Non, c'est ça. C'est assez... puis on n'est pas... C'est ça, on n'a pas l'air d'être dans le jeu action, mais dans le survival. Puis évidemment, j'imagine qu'on peut taper ces autres. Oui, oui. Le principe, c'est que quand tu rencontres un autre survivant, il peut se former des communautés. Mais aussi, il faut que tu sois conscient que l'autre, s'il dit... Peut-être que lui, il y a de la bouffe. Oui, il y a de la bouffe dans ce jeu-là. Mais est-ce que c'est seulement en multiplayer ou on peut jouer standalone? Uniquement multijoueur. Oh! tu peux-tu te faire des sessions amis seulement? Genre? Oui. Tu peux, tu peux te créer une session privée avec tes chums, puis tout ça, il n'y a aucun problème. Tu as une liste de channels que tu peux rentrer dessus, mais tu peux en créer aussi. Puis ah, c'est le fun, ça! Mais j'avoue que, ouais. Ah, maudit. Je sens qu'il y a un petit 30 pièces qui va se dépenser dans les prochaines semaines de mon côté. Et là, je le répète encore, parce que je parlais du forum. Là. Il y a beaucoup de commentaires sur le forum de la communauté là, de Daisy là, qui dit bail 30$, c'est de l'arnaque ou quoi que ce soit. T'sais, quand je download le jeu, je le rouvre. Ben, t'sais, c'est des bâtiments exactement de Arma 3. C'est comme, oui, mais c'est à cause que c'était un mode de Arma 3. Là. Prenez le temps de lire. Là. Non, c'est ça. Par pitié, prenez le temps de lire. Fait que c'était mon petit commentaire parce que je vois plein de commentaires là-dessus. De toute façon, les gens en général sont assez mal informés dans le monde normal, puis autant aussi dans le monde ludique. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez sur un site, vous voyez une nouvelle, ben, prenez le temps de contre-vérifier, de bien lire les petits caractères. Et également, puisque c'est une version alpha, mais attachez-vous pas trop à votre personnage que vous faites, parce que des resets de serveur, il y en a. Ça arrive, donc voilà. Ben, testez-les, 30$ pour encourager, c'est très prometteur, ça fait que ça peut les aider pour arriver avec une version 1.0 qui arrache tout plein, ben go. Surtout que, comme j'ai dit, il n'y en a pas énormément de jeux de ce genre-là sur le marché, fait que pourquoi pas les encourager. Monsieur Castegan, pour la version alpha de Daisy, combien de cerveaux sur 10? Je donnerais... Ben c'est un peu dur parce que c'est une version alpha. Fait que faut que je fasse abstraction des bugs. Je te dirais, pour le potentiel, pour ce que j'ai vu, pour qu'est-ce que j'ai pu essayer, je dirais que ça va être un jeu qui va fort probablement jouer dans les alentours de 9 sur 10. Oh, excellent. Merci beaucoup, Andrew. On a hâte de jouer à ça. On a hâte de l'avoir en version bêta aussi. Là. Question d'aller voir ailleurs. Mais en attendant, on les encourage et on va acheter ça sur Steam pour avoir quelque chose de bon d'ici un an. En tout cas, quelque chose de meilleur, tout simplement. Et on s'en va en musique, M. Castegan, d'après cette critique improvisée, comme ça. On s'en va avec nos amis Irish Moutard, groupe de la région, avec une tune qui s'appelle A Lad and a Had. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Arrive! One day feeling quite alone, wishing for a lass fair and gay, I met an ugly crone slowly coming my way. Her hair was long and white, and her shoulders were all bent. She was such a pitiful sight, mumbling to herself as she went. I said, oh, and always ordering me around, keeping me and my friends apart, growling at me like a bloodhound. One day I was fed up, and at last I walked out the door, and since then raised a lonely cup, for I had no friends anymore. Leaving her I did not regret, for her breast I'd begun to sag. I wish I'd fled the day I met, long ago that crazy old hag. One day, feeling quite alone, wishing for it. Hi, this is Pat Contry, the NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après une chanson de nos amis de Irish Moutarde. Dans un mot d'indicatif de convention. Et voilà. Ben, que voulez-vous? Vu qu'on s'en va là en fin de semaine. Et on va continuer notre émission Puissance Maximale avec des nouvelles de ludiques. Je voulais rajouter quelque chose, M. Michaud, avant. Ah ben oui, c'est vrai, à propos de Daisy. J'ai eu un flash, j'ai oublié de parler qu'il y a un système de bouffe et d'eau. En fait, votre personnage, il faut qu'il mange et qu'il boit. Un peu normal là, dans un jeu basé sur la survie. C'est ça exactement. Puis la bouffe que vous trouvez n'est pas forcément bonne. Donc, vous pouvez tomber malade. Et également, si vous sautez trop haut ou si vous vous faites attaquer par un méchant zombie et que vous réussissez à vous enfuir, ben si vous n'avez pas des pansements pour bloquer le sang, dans le cas que c'est une coupure, ben vous vous videz de votre sang. Et les zombies vous traquent, imaginez-vous donc. Parce qu'il y a du sang, ben ça les attire. Fait que c'est un système qui est déjà en place au niveau de ça. Puis aussi, en même temps, quand vous êtes fatigué et que vous avez faim et soif, ben vous frappez moins fort. Fait que dans le cas où vous rencontrez un zombie, puis vous avez trop faim puis trop soif, ben il y a des bonnes chances que vous courez pas assez vite pour le sommet. Parce que les zombies dans Daisy, ils courent pas, mais ils peuvent faire de la marche rapide. Fait que si vous êtes à moitié mort en train de ramper à terre parce que vous avez plus de sang, puis vous avez faim, puis vous avez soif, ben les zombies, ils vont pas mal vous rattraper. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. C'est bien, c'est vraiment bien passé, ce jeu-là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir. Et on va aller justement en nouvelles, comme je disais un peu plus tôt. On va vous parler de Grand Theft Auto 5. Les rumeurs qui n'arrêtent pas de courir sur une hypothétique version PC de Grand Theft Auto 5. En fait, encore toujours du site jeuxvideo.com, on nous dit qu'effectivement, il se passe pas quasiment une semaine sans qu'on ait une rumeur d'une version PC pour Grand Theft Auto 5. Il y a même quelques jours, sur jeuxvideo.com, on annonçait une sortie pour le 12 mars prochain. Un truc qui n'aurait pas été confirmé par Rockstar. Annoncé par Thiago Diniz, patron de Nuevem, une plateforme brésilienne de distribution digitale. Cette nouvelle rumeur est comme nous, comme les gens de jeuxvideo.com disaient, loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, de nombreux sites de vente n'ont d'ailleurs pas hésité à profiter du buzz sur l'absence de date de la version PC de ce jeu-là pour proposer leur propre créneau de sortie sans vérifier l'information avec Rockstar. Donc, et évidemment, on pose la question, quel est l'intérêt de ce genre de pratique? Mais là, il peut y avoir des précommandes qui peuvent être placées. C'est con comme ça. Il y a des sites vraiment qui ont ça va sortir à un moment donné, mais faites votre précommande. Mm. C'est vraiment de l'argent pitché par les fenêtres. Donc, il y a certains sites dont qui ont reconnu avoir eu recours à ce procédé-là. Donc, c'est un peu... malhonnête. C'est un peu beaucoup malhonnête. En fait, il y a des exemples qui sont donnés par le site. Il suffit aujourd'hui de faire un tour chez certains vendeurs sur le net pour rapidement constater que la version PC du dernier titre de Rockstar est largement représentée chez Amazon. Amazon France, là, pas n'importe quoi. Là. Par exemple, la page de cette version ne fait mention d'aucune date. Là, il y avait un lien, mais je pense que depuis la publication de l'article, ça se pourrait très bien que le lien ait été... ça a été peut-être changé chez Amazon. Donc, il nous disait justement que sur le site d'Amazon, la page de sa version ne fait mention d'aucune date, se contenant d'un bientôt disponible et d'une petite phrase vous indiquant la possibilité de le précommander dès maintenant. Autre site, sur le site de la FNAC, qui est une grosse boîte de vente en France, ben où la livraison de Grand Theft Auto 5 sur PC est directement annoncée comme possible en décembre 2014. Encore une fois, la page a été supprimée suite à l'article. Voilà, accompagnée de la mention « Article en précommande ». Le dernier bébé de Rockstar n'est d'ailleurs pas l'unique jeu concerné sur le site. Il y a une fiche pour le prochain Halo, Kingdom Hearts 3 et même Final Fantasy XV, qui mentionne également le mois de décembre 2014. Donc, c'est un peu... C'est on va au-delà de la rumeur. Là, ça va te s'en venir. Il y a vraiment du monde qui profite de ça, qui sont malhonnêtes. Puis là, l'article continue en disant, malin qui peut démêler le vrai du faux dans toutes ces dates et annonces. Il arrive aussi parfois qu'une véritable date de sortie fuit, là, comme le prouve l'exemple récent de Tomb Raider Definitive Edition, repéré et daté pour la première fois sur la version italienne d'Amazon. Si ce cas reste finalement plutôt rare, il justifie le relais massif de ces informations par la presse spécialisée. Ça, c'est jeuxvideo.com, puis c'est nous autres. Ouais. Donc, dans cette news, n'a pas pour but de... petit avertissement de fin d'article de jeuxvideo.com. Donc, faites donc attention, je l'ai dit, on en a parlé tantôt, là, à propos des commentaires qu'il y avait sur DayZ. C'est pareil comme Arma 3, blablabla. Encore une fois, et on le répète souvent à l'émission, vous êtes des passionnés, vous aimez acheter des trucs que vous aimez jouer, mais vous êtes préalablement à tout ça des consommateurs. Et un bon consommateur est un consommateur averti. Donc, lisez ce que vous achetez. Parlez aux vendeurs et informez-vous. Lisez sur Internet des sources fiables. L'image d'une photo de quelqu'un qui a dit « J'ai fouillé dans le code source du CD de Grand Theft Auto 5 puis quelque chose écrit à propos d'une version PC. » Non. Genre? Quelque chose de plus fiable. Ou, tu sais, le blog du cousin d'un gars que vous connaissez. Puis... selon moi, il va voir ça. Oui, selon toi, mais il n'y a rien de confirmé dans tout ça. Donc, s'il vous plaît, faire attention aux sources que vous allez regarder sur Internet. Mais quand même, allez en voir plus d'une pour vous informer de bonne façon. Voilà. Autre nouvelle, M. Castegan, de ton côté? Oui, il y a eu un petit top 10 des MMORPG free-to-play les plus rentables de 2013. Ah ouais? Oui, parce que imaginez-vous donc... Les free-to-play, c'est gratuit, mais vous pouvez payer pour avoir des bonus dans le jeu. Effectivement. Parce que des fois, le monde joue à ça, puis ils sont comme, je peux évoluer, mais je n'évolue pas assez vite à mon goût. Ils dépensent un petit 20$, puis ils ont l'équipement qu'ils veulent. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Pour eux que tu limites pas tes joueurs qui font du free-to-play, tu les empêches pas d'évoluer à cause de ça. Mais pourquoi il faut que tu aies un bon système balancé. Voilà. Malgré que j'aime pas le jeu, je vais citer ici League of Legends. Ah. League of Legends, tu peux acheter des personnages et des choses comme ça, mais le jeu, dans l'ensemble, est bien balancé. Très populaire. Oui, c'est ça. Puis le jeu est bien balancé, fait qu'il y a du monde, oui, qui paye pour jouer à League of Legends, pour acheter des items, des bonhommes, puis tout ça. Mais t'sais, ça te tente pas de payer, t'es capable de jouer à League of Legends, puis tu te feras pas forcément défoncer par le premier venu, t'sais. Fait que c'est quand même très bien à ce niveau-là. Mais bref, le classement, le premier jeu le plus rentable de 2013, on parle ici du jeu Crossfire, qui est fait par Tencent Smilegate. Crossfire, qui est un genre de jeu de tir à la première personne basé sur un thème d'antiterrorisme. Donc, c'est un jeu téléchargeable, jouable. Je vous dirais que d'image, ça ressemble beaucoup à Counter-Strike, premier du nom. Mais t'es genre un petit peu plus liché en frais de graphique, on s'entend. Là. C'est pas aussi laid que le premier Counter-Strike. Mais ouais. T'es les terroristes et les environnements, puis les pas-terroristes, ça y ressemble pas mal. Fait que, dans le fond, c'est un Counter-Strike gratuit. Vous pouvez gérer ça comme ça. Le deuxième, League of Legends. Ah, j'ai utilisé le montant. Non. 957 millions de dollars de revenus en 2013. Calvasse. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et après ça, la deuxième position, c'est League of Legends, faite par la même compagnie. 624 millions de dollars. Donc, quand même... Suffit de faire des bons jeux. Oui, mais c'est ça. Même si on aime... Tu sais, moi, je suis comme toi, là, je ne serais pas sur League of Legends, mais il y a un public pour ça. Après ça, il y a eu Dungeon Fighter Online en troisième position, faite par Nexon, qui est un genre de petit MMORPG, jeu d'action beat'em all en 2D. Ça a quand même l'air bien. On voit les images, c'est quand même très bien dessiné. Ici, on parle en fait de recettes de 426 millions de dollars. Et après ça, on a World of Tanks, qu'on a déjà parlé d'ailleurs oui. ici, fait par Wargaming.net avec 372 millions. MapleStory, action RPG, MMORPG, qui est dans le décor depuis très longtemps, fait par Nexon aussi, à 326 millions. Il y a Lineage 1, qui est là, faite par NCSoft, compagnie oui. qu'on connaît bien d'ailleurs aussi, qui est à 257 millions de dollars. Du 1. Lineage 1. C'est cool, ça. Après ça, septième position, World of Warcraft, la version free-to-play. Ah oui, c'est vrai. Qui a apporté 213 millions de dollars. Après ça, on a Star Wars The Old Republic à 139 millions de dollars. Ça, je comprends pas. Mais même si free-to-play. Là. Après ça, Team Fortress 2 de Valve qui est à 139 millions de dollars lui aussi. Et après ça, on a Counter-Strike Online de Valve Nexon à 121 millions de dollars. Ah, comme quoi, c'est payant. C'est possible de faire des jeux payants s'ils sont free-to-play. Mais étonnamment, c'est pas le marché... Ben, étonnamment, je suis pas étonné, là, mais c'est pas le marché nord-américain ou européen qui a les grosses parts de revenus, dans le fond, là, de les utilisateurs payeurs. C'est beaucoup le marché asiatique. Oui, c'est ça. Moi non plus, je suis pas vraiment étonné de tout ça. Mais, le marché américain, généralement, download le jeu, il joue, arrête, leur télécharge, on joue, mais il n'y a pas tant de monde qui paye en Amérique du Nord et en Europe, à l'exception pour League of Legends, World of Warcraft, Team Fortress 2, puis Star Wars The Old Republic. C'est vraiment des titres à la base plus populaires ici, donc ça paraît au niveau des bidous. Exactement. Autre nouvelle, on va parler de StarCraft 2. En fait, l'arcade s'ouvre à tous avec une nouvelle mise à jour. En fait, Blizzard, avec sa nouvelle mise à jour du jeu StarCraft 2, dans le principal changement de cette mise à jour-là, c'est que le mode arcade de StarCraft 2 devient entièrement gratuit, alors que les non-possesseurs du jeu, ceux qui avaient une version qu'on appelait découverte, avant, il y avait l'origine, il n'y avait accès qu'au jeu arcade créé par Blizzard, ainsi qu'au coup de projecteur du moment, ben là, les gens vont avoir accès au mode arcade au complet. Aussi, ben, pour ceux qui ont une édition découverte, ils peuvent désormais avoir accès à toutes les races et toutes les cartes en multijoueur, sans oublier des modules de cartes. Donc, les gens qui ont juste une version découverte vont en avoir plus maintenant dans leur version, maintenant, grâce à Blizzard et cette nouvelle mise à jour. D'ailleurs, tu as l'air de penser, on pourrait peut-être se remettre à ça maintenant que tu as Internet, que ton PC est rebranché, on pourrait peut-être se faire une petite game de StarCraft 2. Oui, c'est le fun, StarCraft 2. J'avais une question justement pour toi qui pourrait peut-être justement intéresser nos auditeurs. Passons à une autre nouvelle, en fait. Andrew, sur ton PC, tu as Windows 8. Oui. Et à un moment donné, on s'est dit, là, on se fait une partie de Left 4 Dead 2. Ça va y aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Pas capable de partir ça de ton côté. Le jeu n'était pas compatible, Windows 8. Et tu veux savoir si ça s'est réglé? Ça s'est-tu réglé? Y a-tu quelque chose qui s'est fait à ce niveau-là? Je ne l'ai pas réessayé, mais j'ai vu que dans mon Steam, il y avait un Left 4 Dead 2 bêta qui était apparu. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans mon Steam cette semaine. Il va falloir tester ça. Ouais. Je trouve ça... T'sais, on a beaucoup. Mais en même temps, il y a eu la sortie de Windows 8.1 qui a corrigé certaines affaires au niveau de l'incompatibilité de vieux produits qui marchaient sur Windows 7. T'as-tu fait ta mise à jour à ce niveau-là? Oui, et ça a rajouté une petite icône dans le coin à gauche pour le bouton démarrer. Ah ben, on le connaît. Qui s'appelle Accueil à cette heure. Non, c'est ça, ils ont fait quelques changements au niveau de Windows 8. Il y aura un test à faire. Mais je parlais avec Diego, d'ailleurs. Diego, on était supposé avoir Diego en chronique aujourd'hui. Mais le destin est contre nous, mesdames et messieurs. Hier, pendant qu'on voulait commencer, on avait un problème technique pour l'enregistrement. Là, tout simplement, le courant a coupé chez Diego. Donc, on n'a pas pu faire l'enregistrement. Et avant, c'était son micro. Ouais, la semaine d'avant, on avait un problème de micro. Là, on parlait justement, avant de commencer à enregistrer via Skype, que lui, il avait Windows 8. Puis que ça le faisait chier. Parce qu'on était sur Skype, mais il trouvait pas Skype dans son Windows 8. Puis il était hors ligne, mais il était capable de me parler, mais il était pas capable de se remettre en ligne, que du taponnage. Windows 8, là, au niveau des performances, je le sais pas. Si c'est plus performant, c'est plus léger que Windows 7, blablabla, blablabla. Mais au niveau de l'interface, là, les gars, là, non. Je le répète, on en a déjà parlé, là, mais... Non, mais on s'habitue, tu sais, c'est... Ah, non. Ben, à deux écrans, ça aide. Ben là, je marche à un écran, là, actuellement. OK. Mais non, sans farce, moi, j'ai gossé dessus longtemps, là, mais non. J'aime pas ça, tout simplement. Autre nouvelle, M. Castegan? Rapidement, Lionhead ont confirmé qu'il allait avoir un pack des trois jeux de Fable qui allaient sortir sur Xbox One, donc Fable Trilogy. Parce que je sais qu'avec la nouvelle génération de consoles, des fois, il y a du monde qui n'ont jamais joué à la Xbox, mais qui étaient pro PlayStation et qui font comme « Ah, la Xbox One, elle me tenterait ». Déjà, l'inverse se produit aussi, comme j'en connais un qui était pro Xbox, qui a décidé de faire le saut sur une PlayStation 4 à ma job. Okay. Donc, qui s'est dit, ben tant qu'à ce que mes jeux ne soient pas rétro-compatibles, ben, je vais essayer l'autre côté de la clôture. Fait que, si vous avez jamais joué à Fable, ben, il va y avoir ce pack-là qui va être disponible, mais on ne parle pas ici d'un remake HD, sauf pour le premier épisode. On parle ici vraiment juste du portage des trois jeux vers la Xbox One. Il n'y a pas de prix de déclarer encore, et ils disent que si vous avez déjà un de ces titres, ben, il n'y aura aucune réduction. Ben, est-ce que ça t'étonne vraiment? Ben non. Voilà. Ben, j'en ai la nouvelle plus pour les nouveaux fans de jeux. De... Voilà. Et bien, parlant justement de portage, ben, en fait, non, je vais y aller avec une dernière nouvelle parce que l'émission s'achève. Une nouvelle ridicule. Tout le monde connaît le jeu Candy Crush Saga, disponible sur trop de plateformes à mon goût. Bon. Mais non, mais tu peux l'avoir sur ton cellulaire, mec. C'est ça. Tu pourrais jouer on the go. C'est ça. Mais non. Donc, la compagnie King, qui fait le jeu, veut interdire les jeux comprenant le mot Candy dans leur titre. Et j'ai même vu une autre nouvelle disant qu'il y a un jeu viking qui est sorti, qui s'appelle Banner Saga. Il voudrait même interdire l'utilisation du mot saga. Là, on est dans du grand n'importe quoi. Je lis la nouvelle là, pour le mot Candy. Après le succès retentissant de Candy Crush Saga, King a voulu assurer ses arrières en déposant le mot Candy lorsqu'il s'applique à des jeux. Et étrangement aussi à des vêtements. Donc, maintenant, l'éditeur entend bien faire respecter ses droits nouvellement acquis en faisant retirer du App Store tous les jeux comprenant ce mot-là dans leur titre. Les développeurs concernés ont ainsi reçu un mail les priant gentiment de faire le nécessaire, en sachant que si cela n'était pas fait, King se réservait le droit de lancer une action en justice. C'est ridicule. On avait vu le Bethesda avait fait ça, malheureusement. Pour Scroll, un projet du créateur. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles de ça. Ça avait été abandonné. Ah oui? Ben, il y a une. Je sais pas si tu avais vu passer une. Non, la poursuite, mais je parle le jeu en tant que tel. Ah, ok. Non, je sais pas. J'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. Mais c'est aussi ridicule que ça, là. On s'entend Candy, là. Fuck you. Fuck you, King. Je veux dire, c'est ridicule de faire des... on appelle ça des poursuites baillons. On veut s'asseoir sur notre petit succès. Parce que là, on s'est entendu, Candy Crush, ce succès-là va pas durer... il va pas durer encore 8 ans. Là. Ça va s'estomper. C'est-à-dire Angry Birds, c'était bien le fun. Là. On entend-tu pas mal moins parler à cette heure? C'est bon, ça reste des bons petits jeux. Mais en tout cas, bref... Il est disponible à l'achat, Scrolls, sur le site de Mojang. Bon, ben voilà. Pour finir avec cette nouvelle ridicule-là, vous pouvez aller vous chercher un bon jeu puis laisser faire Candy Crush. Voilà, c'est dit. Allez vous chercher Crush. Scrolls, c'est ça, voilà. The Banner. Il est bien coté d'ailleurs. Ouais, The Banner Saga, allez voir. Pas mon genre de jeu, mais il est bien coté. Mais allez voir ça. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la dernière nouvelle et la fin donc de Puissance Maximale cette semaine. Bon, à moi et Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Je remercie monsieur Pierre-Luc Pelletier qui était là via un enregistrement, comme à son habitude, parce qu'il est dans les vieux pays. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir participé à l'émission avec ton excellente chronique. Merci beaucoup à M. Castegan, qui était là à la console et aux chroniques. Merci beaucoup à nous. Un grand plaisir. Et on se revoit vendredi, samedi, dimanche pour notre couverture média de J-Anime. Et on a... faut pas oublier aussi que demain matin, on a Lawrence qui s'occupe du show du matin, qui a une entrevue avec la régie du logement, justement. Donc, en plus, les déménagements s'en viennent, mesdames et messieurs, c'était la fin de l'année. Donc, suivez ça demain matin au show du matin avec M. Lawrence Morel. Et voilà, je vous disais justement, avant d'avoir ce petit papier, cette dernière nouvelle de dernière minute, on va être à Janima en fin de semaine. Donc, suivez-nous. www.puissancemaximale.com pour nos anciennes émissions, podcast, allez écouter ça, Facebook. Donc, puissance maximale dans la barre de recherche et vous allez le trouver très facilement. Et je vous souhaite, comme à mon habitude, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings and Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die. CJMD FM. La radio qui s'implique dans sa communauté.